Allez hop, on monte tous les micros et puis bah, c'est parti pour Pyongyang City Rockers numéro 410 ce soir avec Jamo. Aïe. Ah bah bonjour. Il est là. Ah le micro 3 il marche pas comme d'habitude, bon c'est pas grave. Henri. Salut, salut. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux encore? Peu d'entretien. Il y a Thibaut aussi qui vient de mettre son pantalon parce qu'il est arrivé, il était totalement indécent. Bon, bah voilà, ça devrait, il devrait reprendre forme humaine d'ici quelques secondes. Et ce soir, nous avons deux invités. Tiens, je vous ai pas demandé si vous avez des noms de guerre ou des noms de scène. On peut vous nommer dans vos noms de ville? Moi, c'est Kiki. C'est... Attends, parce que là, t'as un micro, je vois pas du tout. Je vois pas. Voilà, c'est bien. Parle plus près, là, 20 cm. Moi, c'est Kiki. Ouais. Bonjour Kiki. Bonjour. Et puis l'autre c'est qui? Bah, tu connais, tu me l'as dit tout de suite. Franck. Ouais, Dudin. Oui, Dudin. Ouais, bon. Mais je pensais qu'on n'allait pas parler de Dudin ce soir ou pas passer de musique. Ah de Dudin. Ouais. Les frères Dudin, il y en a un qui est là. D'accord. Vous êtes ici ce soir non pas pour parler de musique, enfin il y aura un peu de musique que vous avez préparée, des belles choses d'ailleurs, mais aussi surtout pour parler de zine que vous sortez à la fin du mois, d'ici quelques jours, qui s'appelle Horreur de Frappe. Avec une superbe couverture que je vois d'ici et puis on va pouvoir en parler toute cette heure. Pour l'instant je démarre tout de suite avec quelque chose pour nous mettre en train et puis pour faire un petit coucou à notre ami Gaël qui est loin de chez nous et près de chez lui parce que il y a moi ça 20 je sais plus non qu'est-ce qu'il y a déjà c'est une visite. Ah oui, voilà, ouais, il y a moi, Sarné. Bravo, là. Bon, donc, et pour Gaël, un petit Ultra Sect, Modern Nights, sur leur dernier album. Ultra Sect, il faudra attendre le mois de février prochain pour les voir dans la région. Ils seront à Alst au cinéma avec Lions Law et puis d'autres. Mais pour l'instant, bah, poussez dehors longtemps. Si ça tombe d'ici là, on sera tous morts. Ultra Sect, Modern Nights. Ben voilà, Modern Nights. Je pense que vous avez entendu en plus de ça les gens qui parlaient alors qu'un micro n'était pas fermé. C'est normal, vous êtes sur Radio Campus, c'est Pyongyang City Rockers. Youpi, et voici Jamo. Hello. Uhou. Je vais vous passer un petit scalpel et RAN 3. Anticolonial musique. Alors, j'ai des explications. T'as intérêt. Merci, votre papa. C'est sorti le 30 septembre. Et ouais, voilà, Laurence, ouais, une petite citation de leurs paroles. Le racisme anxiogène perdure, donc aucun pardon. Pratiquons la lutte des terres dans l'ombre, éradiquons sans laïus le cancer des colons résistants, distribue des calaches à nos colons. Bon, d'accord. Ouais. J'en vois. Et ah ouais, t'as pas dit le featuring. Ran. Non, attends. Non, c'est Jamel Viss et DJ Loconel. Ouais, c'est parce que j'ai pas bien vu. Ouais. Ran Jamel Viss avec L. Viss. Ouais. DJ Loconel, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Allez, DJ, on y va. Ok, scalpel. D'accord. Si ça démarre. Ça démarre ? Non. Je te dis, il faut vraiment pas se fier à l'ordinateur ici. À la technologie, ça ne marche pas. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme. Que ce soit un petit pays de résistants ou un poutet rebelle au milieu de l'océan. Un peuple qu'on espère, uni et combattant. Guerre contre l'armée coloniale des Francs. Une île, sa sœur, en forme de papillon. Une ancienne terre de bagne, d'or et d'oppression. Un maquis basque, une petite nation. Une terre du Pacifique, un caillou, la Réunion. Une armée révolutionnaire caraïbe. Un idéal d'autonomie pour être libre. Des montagnes, un refuge pour survivre. Des prisonniers politiques qu'on soutient et délivre. Traite négrière, ni oubli, ni pardon. Une réforme de la terre, le sucre, un joli poison. Essai nucléaire, terrible champignon. Gendarmes en guerre contre descendants de marrons. Anticolonial musique. Nique les colons, fume les colons, pute les colons. Anticolonial musique. Résistants distribuent des calaches à nos colons. Anticolonial musique. Kanaki, Guadadaouche, Kaleri, Amadinina. Anticolonial musique. Brest, Corsica, mon peuple en lutte vaincra. Il est fini le temps béni des colonies. L'espoir fait vite que soit banni l'hypocrisie. Que tombe l'empire, vive Jean Ferrat, mort Jules Ferry. Que soit stoppée la barbarie moderne. Petit fils d'indigène nichant dans la niche du colon. J'ai plus rien dans mes veines, coule toute la contradiction. Ni baillons ni chaînes viendront nous soumettre à la nation. Le racisme anxiogène perdure donc aucun pardon. Libérer la Kanaki de la Palestine aux Antilles. Vite au Congo, le Côte envoie les gamins au casse-pipe. Ça finira au Ghana dans le déchetterie. Je vois bien ce qui fuit, c'est pour dire tes coups que ça m'inspire. Même pire, tous un coup et inspire. Sache-nous devant l'empire, putain de peu, je flexible. Pratiquons la lutte des terres dans l'ombre. Éradiquons sans laïus le cancer du colon. Anticolonial musique. Nique les colons, fume les colons, bute les colons. Anticolonial musique. Résistants distribuent des calaches à nos colons. Anticolonial musique. Kanaki, Guadadaouche, Kaleri, Amadinina. Anticolonial musique. Corsica, mon peuple en lutte vaincra. Un caldoche, une balle dans la caboche. Un béquet arrogant qui veut vider tes poches. Des tracts militants dans la sacoche. Une action revendiquée, un boom en approche. La défense d'une culture, d'une histoire. Des années de prison, des bébés parloirs. Des passages de frontières tard le soir. La clandestinité, la lutte comme effet miroir. Le coup de papy planqué dans le placard. Dans quelques bourgs s'établit le contre-pouvoir. Sur les routes, les barricades où flottent l'étendard. Sur les murs s'écrivent en noir des slogans de victoire. J'suis pas Gandhi, j'suis pas Taksin. J'nettoie les képis, la carabine. J'suis pas Harki, non, j'suis activiste. Leur tactique pactise aptique pendant que les peuples s'organisent. Anticolonial musique. Nique les colons, fume les colons, bute les colons. Anticolonial musique. Résistants distribuent des calaches à nos colons. Anticolonial musique. Kanaki, Guadadaouche, Kaleri, Amadinina. Anticolonial musique. Brest, Corsica, mon peuple en lutte vaincra. Colonisation enfermeda maldita. Colonisation enfermeda maldita. Ouais. Bah, comment allez-vous? Alors Thibaut, tu as repris une forme ouais, une visible. Forme, une forme décente, ouais, carrément, ouais. Carrément. Voilà, j'ai enlevé mon bleu de travail. Et du coup, je vais commencer sans trop de blabla, parce que voilà, l'association titre et nom du groupe, ça sera pas équivoque face à l'actualité, voilà. Uh-huh. Le groupe est barcelonais, Prison Affair, le titre s'intitule « Celebrate Your Death ». Et c'est parti, mon cher Stéphane. Alors voilà, c'est ratatouillé, cette affaire. C'est du egg punk, mon cher Stéphane. Nickel ouais. Pour les protéines, et les protéines, c'est comme Sarko, c'est bon pour la santé. Voilà, encore un petit et puis après on passe à nos invités, parce que là, ils sont vraiment en train de se demander où qu'ils sont tombés. Mais bon, alors moi, je vous ai fait une petite sélection de sorties récentes, pour une fois. Et donc, la première, c'est sorti, le 16 octobre 2025. Le projet Crusher Crust autrichien Hectix, ça s'écrit avec des K, au cas où, donc à ne pas confondre. Deux K, comme Yukun Kun. Ouais, deux fois. Ouais. À ne pas confondre avec le groupe de noise punk japonais Hectix, qui lui s'écrit avec des C. C'est distribué par Ingen Framtid, label spécialisé dans le Dibitropunk, on en reparlera un de ces quatre. L'EP s'appelle Oblitération et c'est leur première sortie. Pas trop d'infos sur les membres, on a leur nom et leur tête. Et je reconnais la bassiste Rosie qui est également à la batterie dans l'excellent Cherche Oi de Projet Crust au relent Black Punk que je ne peux que vous recommander. Hectix donc et leur EP Oblitération, c'est 6 pistes, pas de break, des passages qui me rappellent Confuse et la sensation de ne pas avoir tout compris après la première écoute. J'adore. Alors je vous laisse le morceau Dogs. Yeah. eux, franchement, faut qu'ils passent au pit. Hein. Franchement, là, c'est ça commence hein, déjà à jouer à droite à gauche en, en Autriche et en Allemagne, donc ça plutôt à gauche, j'espère. Ah oui, oui, c'est bien des antifas. Ouais. Bien des antifas. Mais comme, des anti-deutsch, quoi. Comme nos, ils sont pas partis. Hein. Ils ont voulu, ils ont essayé de se sauver, mais bon, on a fermé la porte au verrou, et donc ils sont obligés de rester. Ouais, là, ils se sont mis de, sagement devant leur micro. Donc, Kiki et Luda. Ça va? Vous avez survécu jusqu'ici? C'est la première radio punk que je rencontre qui a un digicode. Il y en a plusieurs. dont plusieurs digicodes d'ailleurs qui sont mécaniques. Ouais. Oui. On se croirait à la prison de la santé. Ouais. Voilà. Bah, tu sais pourquoi. Alors vous avez. Non, il n'est pas encore sorti, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Officiellement le 31 octobre. Horreur de frappe. De quoi s'agit-il? De quoi vous parlez? C'est pas un zine de musique? Non. Vas-y. Non, ça. Alors, là, tu veux que non, je me lance? Vas-y. Oh, oui, très bien. D'accord, Kiki. oui, ça parle pas de musique en soi. L'idée, c'est vraiment de faire un fanzine de création de nouvelles. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, les gens ont un peu de mal de lire, vous voyez. Alors, l'idée, c'est de faire vraiment de la littérature pour analphabète. Hein. On fait une histoire sur 6 ou 7 pages. Et c'est souvent les histoires, on a essayé de faire une thématique autour du fantastique, de l'horreur, de l'étrange, de l'étrangeté, en fait. L'idée, c'est de rentrer dans une... d'essayer d'en faire plusieurs à la suite, quoi, en fait, de vraiment... Donc, ça a vraiment le format d'un journal. Hein. C'est un prix extrêmement modique, de 4 euros. Avec des illustrations un peu à l'ancienne. Et un petit peu, oui, un petit peu un truc de faire quelque chose à l'ancienne, de reprendre le format du fanzine, de faire un petit peu comme si les émissions de radio se faisaient encore dans les stations de radio, avant tout ce merdier, avant que David Bowie meure. Voilà, et d'essayer de refaire quelque chose d'un format qu'on a connu en 90. Ou même jusque 80, dans les années 2000, même 80, ouais. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a de moins en moins de fanzines. Oh, quand même. Attends, vas-y. On n'arrête pas d'en présenter, nous. Alors, est-ce que vous en avez en littérature, en nouvelles, en histoire? Ça m'intéresse. Ouais, mais pas de littérature de genre, horreur, science-fiction. Attends, j'ai vu une référence tout à l'heure d'un zine de littérature de genre dans le Pas-de-Calais qui est fait par un mec, en plus qui est dans un groupe punk. Faudra que je vous retrouve ça. Ah ben, on veut les références. Ouais. Merde, ça y est, ça va m'en dire. Et je suis tombé dessus tout à l'heure, je dis merde et j'ai oublié de le noter, comme un débile. vous êtes à Radio Campus. Hein. Mais ouais, en fait, oui, il y a encore d'usine, mais c'est vrai que c'est un style de publication qui est un petit peu passé derrière tout ce qui est en ligne, etc. Bah, oui, ouais, parce que ça amène, c'est l'idée de faire peut-être 2 numéros par an. Déjà, ça sera déjà pas mal pour lancer, mais de créer une sorte de périodicité. Puis nous, c'est un lien avec les bars qu'on fréquente. Hein, voilà. De laisser des fanzines dans les bars. Il parle pour lui, hein, je ne vais jamais dans les bars. Oui, c'est non, vrai. C'est vrai. On ne s'est pas du tout connus, toi et moi, dans un bar. Non, vous êtes qui, monsieur? Kiki fait partie de la ligue de tempérance. Tu veux dire, il est straight edge. Ah oui, ouais. Il faut faire marcher les commerces locaux. Oui, parce que vas-y, parce que l'idée aussi, c'est que c'est né sur un comptoir, bien évidemment. C'est né au Café Disquaire, parce qu'on vient tous, on est 6 hein, dans l'histoire, dans l'aventure. Ouais. On s'est rencontrés au Café Disquaire. Bon, c'est un peu parti de Franck et moi au départ. C'était un peu à délire et finalement ça a pris forme. Et de là, des gens nous ont rejoints et nous aident aussi parce que. On est devenu une asso, on est devenu, enfin voilà, on a tout fait légalement comme il faut. Et les gens nous ont beaucoup aidé pour tout ça, quoi. La mise en page, tous les trucs chiants à faire, quoi. Non, c'est bien la mise en page, j'en ai bien. J'en ai fait professionnellement. Hein, que... Ah oui, bah on essaye de se compléter, quoi, en fait. Il y a des gens qui s'occupent plus du rédactionnel, ouais, parce qu'en fait, on essaye vraiment de faire un. C'est un lien aussi avec la littérature pulp. Enfin, ça, Kiki en parlera mieux que moi, parce qu'il est un peu spécialiste de tout ça. Et puis, moi, je reste dans la. Ah! Tu lèves la main. Je vous coupe. On n'a pas dit ce qu'il y avait dedans. Vous pouvez donner ce qu'il y a au sommaire. Il y a des... Là, tu vois, t'as Henri qui a grippé Ozine. Il veut absolument pas du tout le rendre. Si. Alors il y a une nouvelle. Il y a des nouvelles de Kiki et de moi. De Mimosa aussi, hein, qui est ouais. une guest. Qui est notre invité sur ce numéro. On a des donc il y a alors bon, si je te dis les titres c'est un peu idiot mais non par contre les gens je sais pas ouais, j'ai entendu parler de Gore de SF truc ouais comme ça. Ça c'est plutôt Kiki ouais. Ouais. Donc j'ai une nouvelle qui est plutôt ouais, délire pulp et gore et avec de ouais, faut la lire en fait il y a de l'action ça tourne autour de la musique justement il y a toujours gore, un morceau c'est vraiment sanguinolent il y en a partout hein. C'est comme un film dans ta tête ouais, ça gicle un peu ouais c'est vrai on m'a dit que c'était très cinématographique c'était ouais. l'effet voulu de celle-ci donc voilà j'ai une deuxième nouvelle qui est un peu plus fantastique avec une histoire de foi qui sort du corps de l'être pour aller attaquer les gens alcooliques. Ça aussi, ça vient d'un bistrot. Non, je sais pas. Donc voilà. Ouais, moi je suis parti sur des lieux. J'ai essayé de faire des nouvelles qui étaient liées à des lieux. Donc j'essaye de faire une sorte de géographie des lieux en fait, de villes. Alors il y a une nouvelle qui se passe dans une ville forestière où on va être témoin d'un drame et d'une catastrophe, et puis qui va avoir des... Alors le problème de la nouvelle, c'est que c'est l'idée de la chute. Hein. Ouais. Hein, faut pas dévoiler la chute. Donc voilà. Donc on est plus sur cette espèce de ville un peu ancienne, forestière, où il y a un trio amoureux qui se débat là-dedans avec des personnages qui sont à la fois autobiographiques. Hein, faut savoir. j'espère pas. Isa, si tu nous écoutes. Et le deuxième et le deuxième qui était la première que j'avais écrite, c'est qui s'appelle Spatz. Là, on est plutôt sur une dystopie. Une société bien rongée par des obsessions et qui alors là aussi je peux pas dire la fin sinon ça n'a aucun intérêt mais en fait on se croit l'idée c'est qu'on se croit embarqué dans un certain type d'histoire et forcément à la fin ça va bifurquer. Ouais. C'est le but des nouvelles. Donc là, bon, vous avez déjà commencé à nous allécher. En tout cas, moi, je suis alléché. Je veux lire la fin. Je veux savoir ce qui se passe. Mais voilà, donc c'est pas très compliqué. Quatre balles. Alors déjà, oui, quatre monsieur. Balles. Oui, monsieur. Ouais, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est vraiment... des fois, par provocation, j'ai dit c'est de la littérature pour analphabète. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire, c'est de la littérature... Il n'y a pas besoin d'avoir lu tout Tolstoï pour se lancer ouais. dans la lecture de ces nouvelles. Heureusement, parce que Tolstoï, c'est chiant. Bah, moi, j'aime bien Gogol, par exemple. Ah oui, c'est encore plus chiant. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on en parlait juste avant, il y avait quelqu'un qui disait ça, c'est vrai que quand on donne des pavés de 500 pages, moi j'adore la littérature, je me suis jamais vraiment plongé dans un livre très très long. Ouais. J'ai le goût du format court. Et ça veut pas dire que tu vas pas t'intéresser à la littérature. Et il y a aussi le fait d'avoir ce rapport à la presse. Parce qu'en fait, les grands classiques de la littérature française, contrairement à ce qu'on pense, au 19e siècle, ça paraissait dans la presse. Donc, ouais, Monsieur Tout le Monde lisait. Et donc, voilà. Ouais, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas la télé et les smartphones, hein, boulot. Oui, tout à fait. Alors, bon, si on en revient tout le temps à ça, on ne peut pas faire grand-chose. Dans ce cas-là, on arrête. Ouais. On arrête la musique punk, on arrête tout. Tu vois, il faut aller de l'avant, quoi. Moi, je pense que ça peut. Je pense que écrire. Peut encore parler à des gens à l'heure actuelle. Sinon, ouais. je ferai pas non plus des concerts avec mon groupe si je pensais que les concerts. On a tous vécu un concert qui a changé ta vie. Donc, ouais, je pense absolument. Que ça existe encore. Donc, je pense pas que les gens sont totalement des endives derrière leur smartphone, leur téléphone. Je pense pas, en fait. Non, d'ailleurs, c'était pas le, c'était ouais, pas le sujet. Ouais, ouais, voilà, ouais. C'était plutôt pour rigoler. Oui, ouais. Personnellement, je lis aussi un petit peu. Ça m'arrive. Ah, voilà. Bah tu vois. Mais plutôt des nouvelles, t'as raison. Moi, j'aime bien le. Enfin, t'as raison. Alors, je suis un peu comme toi. J'aime bien le format, les formats courts, quoi. Qu'est-ce que t'aimes comme nouvelle ? Ah, moi, je lis beaucoup. Enfin, j'ai lu beaucoup de SF. J'en lis peut-être moins maintenant. Mais si je relis des vieux trucs de SF des années 60, 70, 80. Mmh. 90 un peu aussi, mais j'ai plein de recueils de nouvelles en fait. Voilà. Parce qu'il y avait un peu de ça, hein. Il y avait du Bradbury, il y avait dans notre tête, il y avait ça aussi. Mmh. Hein. Après, il y a des autres types de bon, des écrivains de nouvelles que Mishima aimait. Après, des grands classiques genre Maupassant, il a fait Maupassant, c'était aussi du fantastique. Là, on remonte carrément à la préhistoire, on remonte au 19e siècle. Mais disons qu'en fait, il y a des il y a des écrivains à l'heure actuelle qui font des livres très très courts. Ben, je pense à Le Goff qui a fait un bouquin que moi j'adore qui s'appelle L'étourdissement, qui est très très très court, qui parle de la vie d'un mec dans un abattoir, qui est assez voilà. Et l'idée c'est vraiment ce type de littérature accessible. Ouais. Bon, on va passer de la musique parce que là tout à l'heure France Q, ouais, exactement. tout à l'heure, je voulais embrayer sur tu parlais de ton groupe qui s'appelle Dudin. Il y a encore moins de mots. Mais tu vas pas nous passer un titre de Dudin ? Tu voulais peut-être passer quelque chose rapport ou alors Kiki, je sais pas, c'est comme vous voulez. Vous avez votre liste ? Non, vous avez pas votre liste. Ah bah si, moi j'ai ma liste, mais Kiki a pas tout téléchargé sur la. Non mais toi tu vas. Bah tu mets au pied, enfin de toute façon. Ouais, par contre là j'ai un bordel pas possible. Je sais pas. Allez, Alan Vega. Alan Vega, Speedway. First mixed. Allez, choisi par ces messieurs de Horreur de Frappe. Et voilà, pendant qu'on parle de Chachlik mercerisé hors antenne, c'est Alan Vega qui finit son speedway. Il est 20h30 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 410 avec ce soir ces messieurs de Horreur de Frappe qui nous ont passé ce titre de Alan Vega juste avant. Et puis on avait commencé un petit peu à éplucher le zine. C'est une performance à faire parce que en fait vous le connaissez, mais vous l'avez écrit, vous ne l'avez pas lu. et nous par contre, on ne l'a ni écrit ni lu. On a juste vu la couve qui est une superbe couverture peinte. Ouais. Avec de la vraie peinture. Avec de la vraie peinture. Trop bien. Scanné sur mon scanner. Et derrière, vous avez le café disquaire qui est envahi par une espèce de pieuvre zombie. D'accord. Et voilà. Ça met bien les trucs d'équerre, c'est bien. Au moins, les gens savent ce qu'ils achètent. Et quoi. Alors, à part des nouvelles que vous avez écrites et qui occupent quand même, je pense, la majeure partie d'usine, il y a d'autres choses. J'ai cru voir des jeux. Il y a des mots croisés. Il y a un test psychologique. Mots croisés fait par Baptiste, le test par Marc. Il y a un horoscope. Et oui, parce qu'on croit beaucoup en ça. Et il y a aussi le courrier des lecteurs. Déjà ? Ouais, bah, lecteur LECTER. Petite référence cinématographique. Bien sûr. C'était tellement évident. est-ce que aussi il y a des je sais pas des chroniques d'autres usines, des trucs de bouquins? Non, des, pas. Alors oui, on justement on en parlait, on sait pas dans, encore, mais on dans la bagnole bien, on parlait. Ouais. On ferait peut-être bien un truc. Ouais. Et on aimerait faire des choses qui soient aussi peut-être autour de la mythologie du rock. Hein. Ce serait intéressant d'écrire sur. Toutes les choses intéressantes sur... Avec les références que vous avez, là, vous en avez déjà passé une, Alan Vega Moi, je suis un grand fan des Damned. Oh. Et normalement, il y a la malédiction des Damned. C'est le groupe qui a toujours eu une malédiction derrière lui. Ça n'a jamais marché pour lui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien que ça ne marche pas comme pour les Damned. Hein, je pense. Oui, je pense aussi. Mais il y a plein d'idées. Alan Vega, c'est un personnage de roman. Là. On est dans quelque chose de... Là, alors donc voilà, on a plein d'idées, mais on fera ça au fur et à mesure des numéros, parce que l'idée c'est vraiment de faire numéro sur numéro en fait. Ok, combien de pages? 36. C'est ça, hein? Bravo. Donc format A4, couve-il en coule, comme on dit dans les... Tout à fait. Dans les, comment, chez les documentalistes et les libraires. Couverture illustrée en couleur. Et puis sinon, l'intérieur est en noir et blanc. Il y a des petites annonces. Adore, vas-y, fais voir un peu, petites annonces. Il y a quoi? Tu peux m'en lire une? Attends, il faut que je prenne... Ouais, mais en parlant dans le micro, quand même. Ouais, bah, attends deux secondes, hein, ça va. canicule, 40 degrés attendus sur la région selon Météo France, 30 degrés selon la police. Littérature, achète à bas prix les mémoires de Mimi Mathy en livre de poche. Enfin, que des choses de bon goût, quoi. Oui, C'est l'idée, c'est vraiment des choses que. On peut lire ça tranquillement aux toilettes. Alors là, par exemple, là, j'ai une illustration d'une grande beauté. On a des enfants qui se tiennent tous la main en train d'avoir mis le feu à une voiture. Ils ont des masques de Mickey. Et là, on nous dit, à Disneyland Paris, la qualité des attractions a vachement baissé. Donc voilà. Et c'est Marc qui nous fait ces espèces de blagues noires et sombres. Qui ne font rire absolument personne. Moi, ça me fait hurler de rire. Je me roule par terre. Illustration garantie sans IA ? Ah oui, il n'y a pas d'IA. Ouais. Ouais. Alors, en fait, ça a été une vraie discussion. Dans le groupe, les gens se sont écharpés. Il y en a qui sont partis. Hein, c'était très amusant. Hein, non, mais en fait, moi, j'avais pas trop réfléchi à ça. Moi, je ne maîtrise pas toutes ces choses, donc j'en étais resté au pinceau et à la peinture. Et en fait, c'est plutôt ça qui a été mis en avant, le fait de faire les choses par nous-mêmes. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais, voilà. Donc c'est une revue totalement réactionnaire. Technologiquement, c'est très bien. Ouais, voilà. T'es dans un média qui est réactionnaire lui-même. La radio, qui écoute encore la radio en live? Paraît que les gens. Alors, à part Kiki. Bah oui, c'est un garçon étrange. Au bar, il y a la radio. Oui, c'est vrai. Donc, ce numéro 1 n'est pas encore sorti. Il y a une release party, comme on dit de nos jours. Tout à fait. 31 octobre au Café Disquaire. Toujours au Café Disquaire, il y a un truc. On s'est rencontrés là-bas, on s'est dit que ce serait bien de faire là-bas, quoi. Ça serait normal. On fait une release party, il y aura des quiz autour de. Vous pourrez vous affronter sur votre maîtrise de la culture cinématographique. Et littéraire. Voilà. Ouais. Musicalement. musicale. On aura un très beau DJ set DJ Corbeau, qui est l'autre moitié de Duda, en fait. Je livre le truc, c'est mon camarade Bertrand. Et puis, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Je ne sais plus. Bonne question. Il y aura des surprises, vous pourrez boire des bières avec nous, et surtout vous pourrez prendre votre exemplaire de Horreur de Frappe pour un prix modique de 4 euros quand même. Ça fait 3 fois que vous le dites, hein, les mecs. Moi je trouve ça exceptionnel en ces temps d'inflation, 4 euros c'est quand même bien, quoi. Il y en a combien d'exemplaires là qui sont faits? On s'est dit qu'on 70. En faisait 70 seulement. On va commencer déjà petit. Ouais. Okay, tout de suite des délires capitalistiques Il faut inonder le monde, faut voir loin. Je crois que Steph il veut devenir notre manager. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, vachement. Ouais. Il sent qu'il y a une SARL qui porte le bout de son nez. T'as vraiment pas peur. Je tiens à dire que le monsieur dont tu parlais qui fait fanzine, c'est mon pote Didier Lefebvre. Voilà, je me suis fait engueuler en antenne. Vas-y, reprends-moi. Non, mais Didier fait un fanzine qui s'appelle Médusa. Alors, c'est pas de la nouvelle, c'est vraiment autour du cinéma Z, B, le cinéma populaire. Alors, ça peut être d'horreur, de genre, en fait. Ouais. Et il fait ça depuis, je pense, 30 ans. Je suis un peu en retard, quoi. Ouais, carrément. Moi, le cinéma, c'est une très bonne référence et c'est un excellent fanzine. C'est vraiment c'est quelqu'un qui a toujours tenu le fanzine depuis la photocopie jusque maintenant. C'est un très beau fanzine. Hein. Il coûte plus cher que le nôtre. D'accord. Bon, alors on achètera Horreur de Frappe. Vendredi 31 mai, n'importe quoi. Octobre. Vendredi 31 octobre. En plus, ça sera Halloween. Ah ouais? Voilà, il n'avait pas compris. Ouais. Au Café Disquaire, 79 rue Colbert, à Lille. À partir de 20h. Ouais, comme 20h. Ça, 19h20. Ouais. C'est bon, voilà. Il y aura à manger, à boire. À boire. Il y aura à boire. Il y aura à boire, il y aura un cocktail étrange. Voire deux, ouais. Ouais. Peut-être des petites pâtisseries, on est en train de voir. On a un pote Midou qui est un génie de la pâtisserie, mais c'est un génie, il faut le caresser longuement avant qu'il fasse ses pâtisseries. On aura des pâtisseries. Ouais, j'adore comment on vend la soirée. C'est bon ça. Non, mais c'est bon, là, tout le monde a compris, puis on va le répéter d'ici la fin de l'émission. Et est-ce que vous passez de temps en temps les Dead Rats dans votre émission? J'ai passé ça il y a très longtemps quand je faisais une autre émission qui s'appelait Écrasons la Vermine. Je pense qu'on n'a jamais passé Dead Rats dans Pion Lair. Il faudrait parce que. Ouais. Ce serait bien parce que je trouve ça. J'écouterai, je vérifierai. excellent groupe. Tu confirmes, c'est un très vieux groupe, hein, Dead Rats. C'est un très vieux groupe. Ouais. D'ailleurs, là, on a joué au Balatom. On avait tous des barbes blanches et puis on avait du mal au niveau des déambulateurs aussi. Au Balatom. Ouais. D'accord. Ah non, pas au Balatom, non. Alors, non. Non, parce que ça fait longtemps que c'est fermé, le Balatom. Je sais plus. Le nom du bar, la Mule Solo, pardon. Ah ouais, Type a passé son temps à dire que c'était le Balatom, il était bourré. Et à la fin, le patron lui a dit non, c'est la Mule Solo. Ah, mais c'était peut-être le Golden Wave. Non, t'es à la Mule Solo. Bon, en même temps, le Golden Wave, c'est juste à côté. Enfin, maintenant, c'est fermé aussi. Bon, voilà. Musique, encore? Allez, un petit titre. Ouais, vas-y, Kiki. Un petit Vision of Disorder. Alors, faut que je le trouve. Il est où? On est bien sur Boomerang ici. Hein. C'est ça. Non, c'est RCV. RCV 99. c'est quoi le titre? Bonne question. Ah, il sait plus, lui. Non, parce que là, j'ai plein de trucs, ils n'ont pas de nom de groupe. C'est nul. Ouais, c'est nul. Attends, je vais essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Sinon, tu peux mettre The Mummies. In the Room. Ah, ça y est, trouvé. Ouais. Attends, In the Room? In the Room. Non, je l'ai pas. Ah, dommage. Je te jure. Et attends, vas-y, il manque plein de trucs. In the Room, le tac, et voilà. Voilà. Alors, donc, on le représente bien, parce que c'est Pyongyang, mais quand même, on va essayer de faire les choses professionnellement, vu qu'on a des professionnels qui font des beaux fanzines, là. Allez, non, mais je te jure, ouais, c'est vrai. Allez, boum, c'est quoi? Vas-y, Kiki. Vision of Disorder avec In the Room. Oui. Yeah. Alors, c'était quoi cette affaire? Vagin of Disorder avec In the Room. Et bah, j'ai choisi ce morceau parce que en fait, c'est tiré du film Terror Firmer, qui est un trauma de la maison Kaufman. Et dans ce film, on peut croiser Eli Roth, Trey Parker et son collègue, la South Park, je sais plus, Ariel Wiseman et Edward Baer. Et donc, c'est un peu le délire pulp série B où on peut croiser des gens connus qui font n'importe quoi à la télé quoi, dans des films. Donc c'est pour ça, c'est un peu le délire qu'on peut retrouver un peu dans le magazine, des choses rocambolesques. Rocambolesque, un fanzine rocambolesque, voilà, c'est comme ça qu'on va le présenter maintenant. Rock'n'roll bolesque. Allez, il nous reste un gros quart d'heure là, on va encore passer un peu de musique. Et puis à la fin, on représentera Horreur de Frappe et quand c'est que ça se passe. Vous avez un truc à passer là ou pas? Moi, j'ai que des choses vieilles. Bah, je t'en prie. The Monks? Il faut que je le trouve. The Monks, we do, we do. Ah, faut que je le trouve. Voilà, c'est ça. We do, we do. Ah, tu l'as pas mis? Il était pas dans la liste. Ah, tu l'as pas mis. Ah bon, bah, il l'a pas mis. The Mummies. Tu peux lui mettre, ou The Damned. Tu peux lui mettre The Damned. Non, tu l'as pas mis. Je suis son tuteur légal. Non, il y a pas Damned là. Non, il y a pas de Damned. Je regarde même les fichiers, il y a pas les noms des groupes. Non, sinon tu peux mettre The Mummies. Les momies. Ouais. The Fly, c'est un instrumental. C'est un groupe sympa qui joue en bandelette. Je l'ai trouvé. Youpi, allez, hop. Il est déguisé en bandelette. Tous les membres du groupe sont des momies. Allez. Vous savez, c'est américain, faut pas chercher trop loin. Oui, non, c'est vrai. Enfin, et puis des fois, ils ont quand même. Des fois, c'est reposant. Des façons de voir les choses qui sont un petit peu. ça n'est que de la caricature. Hein. Et bien aussi, donc, The Fly par les Mummies. Ça parle en antenne. De quoi vous parlez? On parlait de groupes qui étaient un peu dans une esthétique. Psychobilly, tout ouais, ça. Un ouais. peu film d'horreur oh. des ouais. années 60, ah ouais. Les créatures du lagon, tout ça. Oh putain. Des choses simples. Hein. Moi, oui, bah, bien moi sûr. J'aime les choses simples. Non, mais j'ai vu ça, mais il y a longtemps. Ah oui, moi je suis très très vieux en fait. Hein. Ah, très très très vieux. Aussi vieux que moi. Bah regarde, j'ai moins de cheveux discuter. Que toi. Ouais, mais c'est parce que j'ai fait des implants. Ah d'accord, c'est ouais. pour ça. Ouais, bien sûr. Nous sommes dans Pyongyang City Rockers, numéro 410, en compagnie de Kiki et de Dudin, qui sont les représentants plénipotentiaires ce soir de Horreur de Frappe, dont le numéro 1 sort très bientôt, le 31 octobre prochain. Ça sera, on va le répéter, hein, ça va donc être une soirée mémorable au Café Disquaire. Avec des pâtisseries. Si le pâtissier se réveille. C'est exceptionnel. Ouais. Il y aura aussi à boire, il y aura aussi de la musique, et puis il y aura des zines à trouver à la modique somme de 40 euros. Non, 4 euros. 4 euros. J'ai pas compris. 4 euros. C'est fou ça. Oui. Ça a augmenté comme ça, non. Zines qu'on vous recommande. Et d'ailleurs, là, je vois qu'il y a des copains et des copines qui nous encouragent et qui disent que c'est vachement bien d'avoir un moment de littérature dans une émission de punk. Ah, ah. Oh, et ben voilà, et ben voilà. C'est quand même pas compliqué. Youpi. Voilà. On a remonté le niveau, c'est cool. Ouais, bah, tu sais, c'est pas compliqué en même temps. Ça y est, on s'est fait virer, c'est bon. Non, vous êtes pas tout de suite viré, il vous reste 10 minutes là. Ouais. Allez, encore un petit peu de musique, vous avez rapporté plein de choses. Bah oui, allez, mais je sais pas ce qui m'a mis sur la clé USB. Un petit flash hitter. Si je le trouve, je le passe. Mais faut que je le trouve. Flash hitter. Ace without a face. Comme Billy Idol, mais... Ah ouais, d'accord, putain, tu m'aurais dit Billy Idol, j'aurais trouvé tout de suite, là, voilà. Hop. Alors, c'est qui, ça? Flash Hitters. C'est un vieux groupe. Ouais, c'est un vieux groupe, c'est un vieux groupe. Ouais. Nous, on aime que les vieux groupes, non, c'est d'accord, ça. D'accord, comme moi. Et donc, c'est un morceau qui est dans la soundtrack de The Return of the Living Dead, film complètement barré de Dan O'Bannon, que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Le retour des morts vivants. Exactement. Ouais, parce que... Et dedans, il y a TCOL. Je connais pas. C'est du punk. C'est du vieux punk. Ok. Il y avait Popek dedans. Il y a que du punk. Est-ce qu'il y avait Popek? Ah, il y avait Popek. Il y avait un petit rôle, Popek, non? Popek, voilà. Oui, il faisait le zombie. Putain. D'accord, ok. Tout ça, c'est mis en image par Truffaut. C'est d'une beauté. C'est incroyable. Bon. Donc, le retour des morts vivants de Jean-Luc Godard. Eh bien, voici les mangeurs de flèches, de chair. De chair. Voilà. Eyes with pas la chanteuse. Choisi par Horreur de Frappe. Try to get a photo and represent. Every time I look someone in the eye, they trip up and start to fall. I'm a butter guy for you, oh. Private bedroom and a knife on the other swimming grave, the Johnny's wedding bracelet in a forgotten drawer. Daddy would like a good love, Dr. Firestorm. Fucking $9 in a crowded room. Someone is my side. Someone else by his side. Split open with blood, and put a muzzle butter in my shoulders of trans. Up for 8 degrees, a trip to drop dead. So we scream, crash it to a stop. But I kept going, and I didn't end. I didn't end, cause I could never ever end. I could never ever ever ever end. Cause I've been turning around inside out. Lonely diabetes, shiny eyes. Pumping darkness into my veins. Leading light on your beautiful voice. Come to the dirtiest. Diet, a bedroom bed. écrit, c'est la bande originale du Retour des Morvians, je le dis en français, monsieur. vous savez qu'il est déjà 20h54 passé, presque 55. On va devoir rendre l'antenne dans pas longtemps. Et bien donc, ça va être le moment donc de nous dire au revoir. C'est vraiment trop court, une heure. Hein. Je le dis à chaque fois. Peut-être qu'un jour, quelqu'un du conseil d'administration de Radio Campus va l'entendre et puis qui va nous filer, plus pas, une heure et demie, par exemple, ou deux. Enfin, pour nous, c'était long. Dans quel cas, oui. Bah, tu finis ta bière et après, tu prends. Donc on répète, nous étions ce soir avec Kiki et Dudin de chez Aurore de Frappe, maison qui sort son premier numéro de fanzine le 31 octobre prochain. Dites-le à ma place. Faut dire là, le nom de notre maison d'édition. Oui, bien sûr. Allez-y. Ça s'appelle les éditions Vite Oubliées. Bon, d'accord. Voilà. On voit que vous avez vraiment une vision commerciale à long terme. On y croit. Nous, moi, ma vision du punk, c'est Divo. Hein. Okay. Tout est absurde. Voilà. Bien. Et donc, c'est quand votre événement ? 31 octobre, au Café Disquet. Hein. Donc, d'accord. Nous surfons lamentablement sur la vague commerciale de ouais. Halloween, qui consiste à vendre des citrouilles et des petites dents en plastique. Tu sais que cette année, même les anarchistes le font. Hein. Donc, voilà. Ah oui, bah... Là-bas. Hein bon. Voilà. Et ben nous on vend de la culture. Culture en boîte. En boîte. Oh, j'adore ce mot de la fin, c'est vraiment très très ennuyeux. Merci. Et ben merci Aurore de Frappe, longue vie à usine. On va se ruer dessus dès qu'il y aura des exemplaires disponibles parce que là ce soir vous n'en avez qu'un. Ouais, non mais si vous devenez amis avec nous sur les réseaux sociaux, déjà, c'est vrai. Bah ouais, alors. Mais il y a une boutique et on vous l'enverra, il y a aucun problème. Merci Aurore de Frappe d'être venu. Vous reviendrez pour votre numéro 2 qui sortira dans 6 mois, si j'ai bien compris. On espère. On est en train de travailler dessus. Voilà. Ouais. Moi, j'ai envie de finir avec un titre de Star City, un groupe londonien qui répondait précédemment au doux nom de Pyongyang. Mais je sais pas pourquoi, en tout cas, ils ne l'expliquent pas. Ils ont préféré changer de nom. Donc maintenant, ils s'appellent plus comme ça, ils s'appellent Star City. Ils sont passés hier au Pits, à Courtrai. Et sur les murs du Pits, quelque part, ils ont trouvé un autocollant de Pyongyang City Rockers. Et du coup, bah, y a un chez eux qui a dit So this in Courtrai, good name, wear it with pride, portez-le avec fierté. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement que de conclure cette émission avec un titre de Star City. Ça va être Horseman et puis longue vie à eux aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 411. Il y aura, je pense, pas d'invité pour la semaine prochaine dans Pyongyang City Rockers. Vous continuez d'écouter Radio Campus dans quelques minutes, vous entendrez la douce voix de JD avec son Teeth Grinder, et puis après il y aura plein d'autres choses vachement bien. On se dit au revoir la semaine prochaine, et on n'oublie pas okay. Et on envoie Horseman par Star City. Thank you.